Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur EJTFM dans votre émission spéciale premier tour de l'élection présidentielle. Dispositif exceptionnel ce soir avec des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui se mobilisent pour couvrir ce premier tour. On va analyser tous ensemble les résultats de ce premier tour qui vont tomber dans quelques instants. Nos reporters sont déjà sur place, au cœur des QG de certains partis à Toulouse. Des invités viendront en plateau et seront par téléphone pour faire part de leurs réactions. Vous saurez tout donc sur ce premier tour de cette élection présidentielle avec nos chroniqueurs qui seront également en studio. Mais avant d'aborder cette soirée qui s'annonce riche en émotions, les informations à retenir de cette journée marathon avec vous, Colin Martin, avec notamment le premier chiffre que l'on connaît déjà, c'est l'abstention. Bonsoir, dans quelques minutes, les premiers résultats vont tomber et le taux d'abstention pourrait dépasser celui de 2017. 26,2%, c'est l'estimation d'aujourd'hui selon Ipsos Sopra Steria. Pour rappel, il y a 5 ans, 22,2% des électeurs ne s'étaient pas déplacés aux urnes. Le record dans un scrutin pour l'Élysée remonte à 2002 avec 28,4%. Si l'élection n'est pas terminée en France métropolitaine, dans les dom-tom, c'est bel et bien fini. En raison du décalage horaire, les habitants d'outre-mer ont commencé à voter hier à 20h. En Guadeloupe et en Martinique, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec plus de 50% des voix. Derrière, on retrouve soit la candidate du Rassemblement national, soit le candidat président. Mais l'écart est grand, on redescend directement à moins de 20%. Dans la métropole, les candidats ont voté ce matin. La première, c'était Anne Hidalgo, dans le 15e arrondissement de Paris. En suivant, Jean Lassalle a voté chez lui à Lourdios-Hichères, dans les Pyrénées-Atlantiques, et Philippe Poutou à Bordeaux. Un peu avant 13h, tous les prétendants au titre avaient voté, pour la plupart dans la capitale. Marine Le Pen s'est-elle déplacée dans sa circonscription à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. À 19h, elle était encore dans les bouchons pour revenir à son QG parisien. Dans les bureaux de vote, les Français et Françaises de l'Hexagone ont dû faire face à quelques problèmes. À Pau, le bulletin d'Anne Hidalgo manquait à l'appel. De 8h à 10h, les Palois ne pouvaient pas voter pour la candidate du Parti Socialiste. Il aura fallu attendre 2h pour que le bureau de vote rectifie l'erreur. Une erreur aussi signalée à 13h30 sur le site internet du service public. La page dédiée pour trouver son bureau de vote était inaccessible, un bug qualifié de honteux sur les réseaux sociaux par plusieurs électeurs francophones. L'erreur a pu être réglée quelques minutes plus tard, plus de peur que de mal donc. Merci à vous Colline, attendu à un niveau historique justement, le taux d'abstention s'annonce très fort, peut-être même supérieur à 2002. Maxence Daguier, où en est le taux d'abstention à quelques minutes des premières estimations? Alors pour le moment, pas de chiffres précis Rémi, il faudra attendre 20 heures pour avoir les chiffres exacts de l'abstention. Mais on a une certaine tendance, il pourrait atteindre 26,2% selon une première estimation Ipsos Sopra Steria, alors que cette semaine Ipsos tablait sur une abstention avoisinant les 28%. Le taux de participation, on le connaît un peu plus. Au dernier pointage à 17h, il s'établissait à 65% selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse par rapport à 2017 avec 4,4 points en moins. Mais qu'est-ce que cela représente par rapport aux autres années? Eh bien 26,2%, c'est un chiffre très élevé. Le deuxième plus gros taux d'abstention depuis 2002 était à prévoir. Cette année-là, il est monté jusqu'à 28,4%. Il est encore à ce jour le plus haut taux d'abstention au premier tour d'une élection présidentielle sous la 5e République. Après 2002, le taux d'abstention avait considérablement baissé jusqu'à 16% en 2007 et n'a fait qu'augmenter les années suivantes, 20,5% en 2012 et 22,2% en 2017. Alors on s'attendait à battre le record d'abstention de 2002, cela ne semble plus véritablement être le cas, mais ce n'est pas pour autant rassurant. C'est en raison de cette forte abstention que Jean-Marie Le Pen s'était hissé au second tour face à Jacques Chirac. Mais alors où a-t-on boudé le scrutin? C'est en Haute-Corse que les Français se sont le moins déplacés, avec un taux de participation dépassant la moyenne de justesse, 51,23% à 17h, suivi de près par la Seine-Saint-Denis et Paris, avec seulement 52% des votants. Au contraire, c'est dans le sud-ouest que l'on s'est le plus mobilisé, la Dordogne en tête de liste avec 75,26%, suivi de l'Aveyron et le Gers. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'on se lève plus tôt dans ces départements, alors qu'à Paris, on est habitué à voter plus tard. Sur le plan national, plusieurs facteurs pour expliquer cette faible participation. D'abord le Covid, on a vu que la pandémie avait perturbé le déroulement des élections municipales de 2020, ainsi que les régionales et départementales de 2021. Pourtant, il n'y avait plus aucune restriction, même les personnes positives pouvaient se rendre aux urnes aujourd'hui. La guerre en Ukraine a également bousculé la campagne et l'a reléguée au second plan, sans oublier le soleil, bien sûr, présent sur une grande partie de la France aujourd'hui. Merci à vous, Maxence. Et justement, cette élection apporte toujours son lot d'indécis. Entre abstentionnistes, justement, ou adeptes du vote blanc, il représente une part importante de l'électorat français. Alexis Bourdon et Augustin Coron sont allés à leur rencontre. Si 48,8 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales françaises, l'abstention est un sujet central à chaque scrutin. Les raisons qui poussent les électeurs à ne pas se rendre aux urnes sont diverses. Pour ces Toulousains, c'est surtout l'absence de préférence entre les programmes et les candidats. Pour l'instant, j'ai pas de personne ou de programme qui me correspondent complètement. Et d'une certaine manière, je ne me sens pas directement concerné par l'ensemble des décisions politiques qui sont effectuées. Et l'intention, si j'y vais, de voter blanc, parce que pour moi, ce n'est pas des personnes que j'ai envie de voir me représenter. Et juste à regarder le discours de chacun, en très peu de temps, j'ai absolument aucune envie de donner quelque chose de moi vers ces personnes. Devant le manque de suspense sur les deux qualifiés, le vote blanc reste une tentation majeure pour de nombreux votants, mais beaucoup sont découragés à l'idée de se déplacer jusque dans un bureau de vote pour quelque chose qui, selon eux, n'influe pas sur le résultat final. Parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé, tout simplement. Et le jour où il sera comptabilisé, pourquoi pas, après, il n'y a personne qui m'intéresse, là, politiquement parlant. Parce qu'on a l'impression que c'est joué d'avance, que c'est toujours la même chose, que les sondages nous dictent un petit peu qui va gagner et qui va pas gagner. Et du coup, on sait très bien que le premier tour, ça va jouer entre Macron et Le Pen. Il va me lancer sur celui donc, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse, tout simplement. La multitude de sondages donnant le duo Emmanuel Macron-Marine Le Pen à nouveau au second tour à raison de la volonté de certains. À 17h, le taux de participation était de 65%, 4,4 points de moins qu'en 2017. Et justement, on va voir directement ce qu'il en est en rejoignant Marie Maison qui est en direct d'un bureau de vote qui va fermer ses portes dans quelques instants. Marie, vous êtes à l'école Fabre au centre de Toulouse. Y a-t-il des votants de dernière minute ? Oui, bonjour Rémi. Effectivement, il y a toujours des votants de dernière minute. Les derniers retardataires se pressent à l'entrée de ce bureau de vote situé dans le quartier des Carmes. À la sortie, l'ambiance est conviviale. On retrouve des familles, des groupes d'amis qui discutent et qui se retrouvent pour parler de l'issue du scrutin à l'extérieur. Et nous avons retrouvé Guillaume qui fait partie de ces retardataires et qui habite dans le quartier. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre ressenti par rapport à ce premier scrutin ? Oh ben une campagne qui n'a pas été passionnante, mais visiblement la participation n'est pas trop décevante, je suis rassuré de ce côté-là. Et qu'est-ce que ça fait d'être parmi les derniers à voter dans ce bureau de vote ? Oh ben, je trouve qu'on a un créneau horaire, donc je ne me considère pas retardataire, j'ai voté, c'est bon. C'est bon. Et comment dire, vous êtes coutumier, ça vous arrive, vous arrivez souvent parmi les derniers ? Oui, oui, et je peux même raconter une anecdote, un jour ma maman est venue voter en chaussures de ski. En chaussures de ski ? Oui. Comment ça se fait ? Eh ben, elle avait skié dans la journée, elle est arrivée, elle avait encore ses chaussures de ski au pied. D'accord, directement. Voilà. Elle n'avait pas les skis quand même. Non, pas les skis. Elle était dans la voiture. Et ça a été facile le choix pour ce scrutin ou ça a été... Pas très simple parce que la campagne n'a pas été très convaincante. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez partager un dernier... qu'est-ce que vous allez retourner voter ici pour le second tour ? Ah ben certainement, oui. D'accord. Et puis peut-être avec des procurations de mes enfants, comme là ça a été le cas. Ah d'accord, vous aviez combien de procurations ? Ah ben une, parce que je ne sais pas si on peut en avoir plusieurs. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Rémi, on se retrouve tout à l'heure au 4h. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Effectivement, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée. Justement, vote utile ou vote de complaisance, les électeurs de gauche doivent faire face à un choix. La question divise depuis des mois. Le risque, l'absence de la gauche au second tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon est troisième dans les sondages. Il espère que les électeurs de Yannick Jadot ou Fabien Roussel le rejoignent pour le mener au second tour. Thomas Grindorge. En effet, Rémi, parce que les sondages, ils placent le candidat de la France insoumise entre 5 et 8 points derrière Marine Le Pen. Mais le candidat croit à une force électorale qui refuse un nouveau duel Macron-Le Pen. Clément Agostini est membre de l'équipe du candidat et pour lui, le choix ne doit faire aucun doute. Il y a des votes qui sont plus efficaces que d'autres pour permettre à la gauche d'être au second tour et plus largement au camp populaire d'être au second tour. Et là, on croit que c'est le cas. On est capable de le faire et il y a un seul vote pour le faire. Aujourd'hui, les gens, c'est très clair dans leur tête. On pouvait encore en discuter il y a un an. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul bulletin de vote qui permet à la gauche d'être au second tour et c'est le bulletin Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a un candidat qui ne l'entend pas de cette oreille, c'est Philippe Poutou. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste était en meeting à Toulouse jeudi. Et pour lui, il n'est même pas question de vote utile. La lutte, elle se fera dans la rue. On pense qu'on ne pourra pas régler ça dans les élections. Il y a trop de misère, trop de pillage, d'oppression. Ça passera par des forces politiques et la seule force politique et sociale qui peut bousculer tout ça, qui peut faire effondrer tout ça, c'est le mouvement social. Et le candidat Trotsky qui persiste, pour lui la défaite est déjà assurée, le second tour est déjà connu. Il faut donc reconstruire une nouvelle gauche sur les cendres de l'ancienne. On est tous orphelins, des militants ou des militantes de la France Insoumise, du PC, des Verts, y compris même du PS, mais la perspective, c'est pas de reconstruire ce qu'on vient de perdre ou ce qu'on est en train de perdre. Au contraire, ça, c'est pas grave. Par contre, discutons de ce qu'on a envie de construire, de différent et donc de plus radical. Anne Hidalgo, Fabien Roussel ou Yannick Jadot refusent aussi ce vote utile, mais il paraît essentiel à Jean-Luc Mélenchon pour parvenir au second tour. Est-ce qu'il y arrivera ? Est-ce que les électeurs socialistes ou communistes se seront laissés convaincre ? Premier élément de réponse dans quelques instants avec les partisans de la France Insoumise réunis à Toulouse au bar Lowinger, ce sera avec Valentin Larquier. On va donc bientôt connaître les deux qualifiés pour le second tour. Mais avant ça, les étapes à retenir pour le déroulement de cette soirée avec vous, Lucie Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir Rémi. Alors, dans 4 minutes seront dévoilées les premières estimations des résultats de ce premier tour. 20h, c'est l'heure légale à laquelle les médias français peuvent communiquer. Alors, pourquoi attendre cette heure-ci ? Eh bien, c'est l'heure de fermeture du dernier bureau de vote en France. Il s'agit simplement d'une précaution prise par les pouvoirs publics. Le but, empêcher toute influence des électeurs sur le bon déroulement du scrutin. Mais attention, ces résultats ne sont pas définitifs. Ce sont bien des premières estimations des instituts de sondage qui se sont basées sur les premiers dépouillements, des chiffres qui vont se préciser au fur et à mesure de la soirée. Il sera ensuite livré officiellement plus tard sur le site du ministère de l'Intérieur. Les 12 candidats, entre soulagement et déception, s'adresseront à leurs partisans tout au long de la soirée aux quatre coins de la capitale française. Pour Emmanuel Macron, ça sera dans le hall 6 du parc d'exposition de la Porte de Versailles dans le sud de Paris. Marine Le Pen et ses équipes ont loué le pavillon Chénet du Roi dans le parc Flora. Jean-Luc Mélenchon se trouve actuellement dans le 11e dans le cirque d'hiver. La candidate des Républicains Valérie Pécresse s'est installée rive gauche à la Maison de la Chimie. Éric Zemmour de son côté dans la salle de la Mutualité située dans le quartier latin. Plus festif, Yannick Jadot a choisi la Bellevilloise, une salle de concerts et d'événements culturels dans le 20e, lorsque Anne Hidalgo a préféré le Poinçon, une ancienne gare de la Petite Ceinture reconvertie en restaurant branché près de la Porte d'Orléans. Merci à vous Lucie, et on file tout de suite au QG de la France Insoumise à Toulouse, au bar Lowinger. Valentin Larquier, vous êtes sur place. Comment est l'ambiance autour de vous à quelques minutes justement de ces premières estimations ? Bonjour Rémi, on compte 70-80 personnes soutenant Jean-Luc Mélenchon dans ce bar, comme vous le disiez. Les gens sont plutôt essayent d'être confiants pour l'instant, je ne vais pas vous cacher, j'ai discuté avec quelques personnes qui sont allées voir les sondages et les premières sorties de sondages dans les médias étrangers, qui donnent Jean-Luc Mélenchon en troisième place. Mais malgré tout, on continue d'y croire, évidemment, on attend les deux dernières minutes qui restent, voir si Jean-Luc Mélenchon sera dans les deux premiers qualifiés au second tour. Très bien Valentin, et est-ce que vous avez pu justement parler un petit peu avec quelques personnes qui sont déjà sur place ? Oui. Quel est leur sentiment ? Sont-ils un peu stressés ou tendus à quelques secondes de ces premières estimations ? Il y a du stress, évidemment, il y a du stress. Pour beaucoup, ce sont des jeunes insoumis qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs mois, donc qui ont fait les campagnes de tractage, qui sont allés faire du porte-à-porte, qui ont essayé de soutenir un maximum Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est l'aboutissement de ces mois de campagne qui arrive pour eux. Donc évidemment, il y a du stress de découvrir le résultat dans quelques instants. Merci à vous, Valentin Larquier. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée pour faire un petit point sur le QG de la France Insoumise. Les dernières infos à retenir de cette journée de vote avec vous, Mathilde Gendron. Oui, fin du suspense. Dans une poignée de minutes maintenant, nous connaîtrons les deux candidats qui atteindront le second tour de la présidentielle 2022. Pour ça, 47 millions de Français sont appelés à aller aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats. Les 12 candidats qui ont d'ailleurs tous déposé leur vote dans l'urne avant 13h. Ils ont montré l'exemple. Anne Hidalgo, la première, à Paris, aux alentours de 8h30 ce matin. Tous les candidats ont rejoint la capitale dans l'après-midi. Valérie Pécresse est arrivée un peu avant 19h à la Maison de la Chimie, où elle va passer sa soirée électorale. Elle s'exprimera vers 20h30, tout comme Marine Le Pen qui prendra, elle, la parole au parc floral de Vincennes. Et puis comme en 2017, Emmanuel Macron se rendra porte de Versailles. Il s'adressera aux Français, quant à lui, vers 21h. Merci beaucoup Mathilde. Ça y est, on est à quelques secondes des résultats. La tension est à son comble. On va enfin savoir qui seront les deux qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui, on le rappelle, aura lieu le dimanche 24 avril dans 2 semaines pile. Thomas Grindorge, place aux résultats avec vous. Dans quelques secondes, effectivement, Rémi, les résultats de ce premier tour de la présidentielle, ils sont 12 candidats. 12 candidats à prôner le trône suprême pour le second tour de la présidentielle dans quelques instants. Et c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête du premier tour de la présidentielle. Les premières estimations sont de 28,1% pour le candidat de La République En Marche. Derrière lui, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, arrive en deuxième position avec 23,3%. Alors, c'est une surprise, pas vraiment, effectivement, parce que voilà, les sondages donnaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Le premier déçu, évidemment, ce sera Jean-Luc Mélenchon, qui finit en troisième position avec 20,1%. Derrière lui, Éric Zemmour avec 7,2% et Valérie Pécresse à 5%. Un scénario que l'on pouvait prévoir. Hein. Tu vous l'avais dit, Thomas, on pouvait le prévoir, ce scénario. Effectivement, un scénario assez prévisible, mais voilà, la déception est là pour les autres candidats. Marine Le Pen progresse de 3 points par rapport à 2017. C'est le premier enseignement qu'on peut prendre de ce premier tour. Jean-Luc Mélenchon lui progresse d'un point. Et par contre, Emmanuel Macron progresse lui aussi de 3 points. Donc voilà, le rapport de force reste sensiblement le même pour le moment par rapport à 2017. On a le reste justement des autres résultats que vous pouvez nous donner, Thomas. Bah, effectivement, Éric Zemmour donc, arrive en 4e position avec 7,2% des suffrages, devant Valérie Pécresse qui, elle, totalise 5% des suffrages. C'est 4 fois moins pratiquement, monsieur Surance, par rapport à 2017. Derrière Yannick Jadot à 4,4%. Le candidat des Verts, donc, qui termine sous la barre des 5%. Jean Lassalle à 3,3%. Fabien Roussel à 2,7%. Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou ferment juste après la marche. Merci à vous, Thomas. Et on va filer en direct du QG, La République en marche à Toulouse, qui se situe place Victor Hugo. Avec vous, Sophia Mazar. Sophia, on imagine que les militants sur place doivent être plutôt ravis du résultat. Alors oui, effectivement, Rémi, ici l'ambiance était un peu molle jusqu'à présent, mais là, l'explosion de joie s'est fait sentir au moment des résultats. Tout le monde s'est agglutiné vers l'écran et a fêté au cri de 1, 2, 3, 4 ans de plus, 5 ans de plus. Donc vraiment, ils sont très très contents. On a vu se lever des drapeaux européens et français au moment des résultats. Donc c'est tout ce qu'on peut dire, des sourires sur les visages, beaucoup de jeunes et ils sont tous très très ravis. Et est-ce qu'on sait comment va se dérouler un petit peu la soirée? Quelles sont les festivités prévues? Est-ce qu'on a un petit peu des informations à ce sujet-là, Sophia? Alors écoutez, pour l'instant, il y a très peu de monde qui se sont rassemblés. Beaucoup sont encore au niveau des bureaux de vote, puisqu'il y a énormément d'assesseurs parmi les jeunes macronistes. Donc on les attend d'ici plutôt 21h. Ils profitent de la soirée autour de petits verres. Ils vont rester plutôt calmes jusqu'à la déclaration de Emmanuel Macron. Très bien, merci beaucoup à vous, Sophia. On accueille tout de suite en plateau Enzo Gauthier, responsable de la communication des jeunes avec Macron, qui est avec nous pour réagir après la qualification du second tour du président sortant Emmanuel Macron. Monsieur Gauthier, je vous laisse en compagnie de Thomas Grindorge. Bonjour monsieur Gauthier, donc voilà, les premiers résultats sont tombés. Emmanuel Macron 28% et Marine Le Pen 23%. C'est un remake du coup du second tour de 2017. C'est un bon résultat ou c'est un mauvais résultat pour vous? Bah pour nous, c'est plutôt un bon résultat parce qu'on est au second tour avec une avance qu'il y a quelques jours déjà, on n'était pas sûr d'avoir. C'est toujours une tristesse, par contre, d'avoir l'extrême droite au second tour avec nous. Voilà, on préférait juste que les extrêmes n'y soient pas. Mais en tout cas, oui, pour nous, c'est plutôt un bon score. Et puis maintenant, une nouvelle campagne démarre jusqu'au second tour dans 2 semaines. Et justement, qu'est-ce que ça va être les thèmes qui vont être centraux pour ce débat, les débats d'entre-deux-tours et pour ces 2 prochaines semaines face à Marine Le Pen? Est-ce que voilà, vous avez déjà été face à Marine Le Pen, vous savez comment l'affronter, je dirais? Qu'est-ce que ça va être un petit peu les thèmes centraux de cet entre-deux-tours? On va continuer à la fois à montrer et à donner le programme d'Emmanuel Macron pour ce second mandat et à la fois parler du bilan qui a été pendant 5 ans, parce qu'il a déjà été président, il a l'expérience, il sait comment ça s'est passé. Et donc ça prouve aussi qu'il y a une expérience qui est là. Et donc pour 5 ans de plus, c'est déjà plus facile qu'avec un candidat d'extrême droite. On va aussi dénoncer des choses qui ne sont pas faisables. Typiquement, le programme de Marine Le Pen n'est pas du tout réalisable au niveau monétaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui sont juste pas du tout réalisables. Donc nous, on a un programme réalisable avec des actions concrètes. On a montré que en 2017, on a su le faire. Typiquement, le programme de 2017, à peu près 95% du programme a été réalisé pendant les 5 ans du quinquennat. Donc ça montre qu'on sait faire. D'accord, très bien. Allez-y Thomas, je vous laisse continuer. Justement, vous avez parlé du président Emmanuel Macron. J'aimerais parler du candidat Emmanuel Macron. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu une campagne de la part de votre président? Il n'y a pas eu de confrontation directe avec les candidats. Il y a eu très peu de meetings. Il y a eu un très grand meeting, effectivement, à la Défense, mais très peu. Est-ce que vous considérez finalement que le résultat de ce soir, c'est aussi le résultat d'un candidat qui n'est jamais d'un président qui n'est jamais redevenu candidat. Après, c'est un président candidat. Et la difficulté qu'il a eue, c'est qu'il a dû à la fois assurer ses fonctions présidentielles et à la fois être candidat. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même eu des choses importantes dont il fallait s'occuper et qu'il fallait gérer, notamment la guerre en Ukraine. Et on ne pouvait pas laisser ça de côté durant la campagne présidentielle. Et donc, du coup, là, ce qui est important, c'est que le candidat, il fasse un petit peu campagne. Il a fait un des meetings qui était là et après il a fait ce qu'il a pu. Il est allé sur le terrain, on l'a vu à Pau, Poissy, il allait quand même débattre avec les Français, il a fait quelques sorties, il a fait ce qu'il a pu avec l'agenda présidentiel qu'il avait à côté. Et on vient de l'apprendre d'ailleurs, Anne Hidalgo qui appelle à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite, je cite. Une première réaction à cette annonce d'Anne Hidalgo? C'est plutôt une bonne chose quand même qu'on appelle à voter pour Emmanuel Macron. Pour faire barrage à l'extrême droite, oui. Au moins, ça montre quand même qu'il y a encore un peu de lucidité chez quelques candidats. Et c'est important aussi d'éviter qu'on ait quand même l'extrême droite qui passe au pouvoir. Et après, on est aussi là au départ par conviction aussi. Mais du coup, ça va aller aussi avec au second tour. Le but aussi, c'est de faire barrage et d'empêcher que l'extrême droite passe au pouvoir. Vous parlez de la lucidité de certains candidats. Pour vous, ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon et Valérie Pécresse disent qu'ils ne donneront pas de consigne de vote pour ce second tour. Ils l'ont déjà dit dans les derniers jours. Pour vous, ces gens-là manquent de lucidité? Mais c'est à la fois un risque et c'est à la fois irresponsable. On a quand même combattu depuis des années les idées d'extrême droite et c'est pour qu'au second tour, quand on arrive avec l'extrême droite en face, on nous dise faites ce que vous voulez entre Macron et Le Pen, donc entre l'extrême droite et la modération, le progressisme. Bon, bah, après, ça ne tient qu'à eux, c'est leur choix. Sur ce second tour, sans dire qu'il était cherché par La République En Marche, vous allez sûrement repartir avec l'idée du Front Républicain, l'idée, comme vous l'avez dit, voilà, qu'il faut combattre l'extrême droite. Est-ce que c'est quand même peut-être un résultat qui vous arrange d'avoir Marine Le Pen au second tour parce qu'il sera plus facile pour vous? Il n'y a pas de résultat qui nous arrange, entre guillemets. Nous, on n'est jamais content de voir l'extrême droite au second tour. On préférait avoir un débat agréable de candidats progressistes modérés. Il en est que là, les résultats ce soir... Pourtant, votre président s'est attaqué en particulier à Marine Le Pen dans les derniers jours. Entre autres, parce que le but, c'est quand même de le combattre depuis le début. On ne va pas attendre d'être au second tour pour commencer à combattre les idées d'extrême droite. On le fait d'ailleurs depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on est sur le terrain, on combat l'extrême droite. Donc après, on va continuer à le faire au second tour, puisqu'au second tour, on est face à la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen n'a donc été... Ça était votre seul adversaire pendant cette campagne? Non, on n'a pas eu de seul adversaire. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, on a surtout donné nos éléments de programme. Nous, prioritairement, c'était ça, c'est montrer le programme, montrer le bilan qu'on a fait des choses pendant 5 ans qui ont été faites, qui ont été réalisables, qui étaient dans le programme de 2017, et on veut prouver que c'est possible à faire dans 5 ans pour encore 5 ans de plus. Après, évidemment, on a fait comme tous les autres candidats, c'est-à-dire qu'on est allé voir un peu chaque programme de chaque candidat et on a montré qu'ils n'étaient pas réalisables, et notamment la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Alors, pour finir, j'aimerais juste évoquer la progression de Marine Le Pen, qui gagne 2 points par rapport à 2017, avec en plus un candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, qui est lui à 7-8%. Est-ce que vous avez plus peur cette fois? Il y a une possibilité qui est plus importante, notamment dans les sondages, que Marine Le Pen devienne président de la République. Est-ce que vous avez plus peur cette fois-là? Déjà, ça montre qu'il y a une grosse division en France, qu'il y a un gros mécontentement, entre guillemets, du système, ne serait-ce que le système. Pour répondre à ta question, on verra, on peut pas dire en fait en avance. Alors peut-être qu'il y a plus de personnes qui sont déplacées. On imagine bien qu'Éric Zemmour va pas appeler à voter pour Emmanuel Macron. Je peux pas parler à sa place, donc je verrai ce qu'il dira. Je pense en effet que ça sera pas plutôt pour nous. Mais malgré tout, nous on verra. En fait, je peux pas vous dire en avance comment ça va se passer. Nous on va faire campagne, on va aller sur le terrain, on va continuer à faire ce qu'on a déjà fait. Emmanuel Macron sera visiblement encore plus présent qu'il ne l'a été parce que il y a quand même un second tour. On a que 2 semaines là pour prouver encore une fois que on est capable de faire 5 ans de plus, et comme on l'a fait déjà pendant 5 ans. Et donc, on verra comment ça se passera. Donc, ça sera le 24 avril, au soir à 20h, qu'on verra si on a réussi à faire une bonne campagne et si c'est le bon candidat. Très bien, merci à vous. Merci. Monsieur Gauthier, merci beaucoup, Thomas Grindorge. Vous parlez justement, Thomas, il y a quelques instants d'Anne Hidalgo, qui a dit, je cite, donc elle a forcément appelé à voter Emmanuel Macron au second tour. « Je veux adresser un salut républicain, nous tirerons ensemble les bilans, nous ne baisserons jamais les bras, appeler à voter contre l'extrême droite. » Et donc, pour Emmanuel Macron, c'est donc pas vraiment une surprise que Anne Hidalgo appelle à voter Emmanuel Macron au second tour. On rejoint tout de suite le camp de la France insoumise au bar Le Winger à Toulouse. Valentin Larquier, vous êtes en direct avec nous. On imagine que la déception doit être grande pour les militants présents sur place. Oui, je suis avec Ismaël, qui est coordinateur des Jeunes Insoumis 31. Et qui, quelle était votre réaction, Ismaël, quand vous avez vu le résultat et Jean-Luc Mélenchon, du coup, troisième de ce premier tour? à la fois étonné parce qu'on a fait une très bonne campagne. Il faut se rappeler quand même qu'au début de la campagne présidentielle, on nous donnait à 8%. Voilà, maintenant on est aux alentours de 20%, un peu plus. Donc je suis bien sûr un peu déçu parce que les idées que je porte ne se retrouvent pas au second tour. D'un autre côté, heureux de voir une gauche aussi forte, plus forte qu'en 2017. Et la gauche que je porte, une gauche sociale qui n'était pas la même gauche que Hollande, donc je ne le compte pas. Donc ça fait vraiment depuis 2012 que j'espérais voir une telle gauche, une gauche sociale. Et donc voilà, à la fois étonné, à la fois content. Et qu'est-ce qu'il a manqué selon vous à Jean-Luc Mélenchon? Vous parlez d'une gauche forte, mais est-ce que si elle s'était plus rassemblée, ça aurait pu le faire finalement? Bien sûr, un rassemblement de la gauche, il y avait beaucoup de candidats à gauche, c'est vrai. Après, on a bénéficié du vote efficace. Beaucoup d'électeurs de gauche se sont rendus compte que Mélenchon était à la porte du second tour et que s'il arrivait à y passer, toute la gauche serait unie derrière lui. D'un autre côté, je pense que ça fait déjà bien des mois, je dirais même un an, où on aurait dû se mettre d'accord sur un programme et partir avec une seule tête. Vous attendez maintenant quoi, une consigne de vote de Jean-Luc Mélenchon qui ne devrait pas en faire? Qu'est-ce que vous attendez pour ce second tour? Alors je doute qu'il donne une consigne de vote, parce que demander de voter Macron, c'est repartir pour 5 ans de casse sociale. Mais d'un autre côté, on ne peut absolument pas laisser Marine Le Pen et donc l'extrême droite prendre le pouvoir. Ça dépasse l'entendement. Donc je doute qu'il donne une consigne de vote. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Ismaël. Du coup, on était avec Ismaël qui est coordinateur des Jeunes Insoumis 31. Et comme je vous le disais au début, effectivement, il y a eu beaucoup de peine à l'annonce du résultat. Certaines personnes étaient en larmes. Donc voilà, assez triste du côté du bar Levinger à Toulouse. Merci à vous Valentin Larquin. On viendra vous voir dans quelques instants au fur et à mesure de la soirée. Avant ça, toutes les infos à retenir quelques minutes après ces premières estimations avec vous Mathilde Gendron. Oui, il est 20h11, nous connaissons depuis maintenant une dizaine de minutes l'estimation des pourcentages de vote pour les deux candidats qui accéderont au second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron a obtenu un peu plus de 28% et Marine Le Pen 23%. Seul Jean-Luc Mélenchon parvient à franchir les 20%, seulement 3% de différence avec la candidate Rassemblement National. Et concernant l'abstention, le taux est élevé, 26,2%, soit plus d'un quart des Français qui ont choisi de ne pas aller voter pour ce premier tour. C'est plus qu'il y a 5 ans, en 2017, où le taux d'abstention était déjà de 22,23%. Les réactions se succèdent dans la capitale, déception au QG d'Éric Zemmour, dans la salle de la Mutualité au cœur du quartier latin. Le candidat obtient 7,10% des suffrages et puis acclamation Parc Floral de Vincennes, où se trouve Marine Le Pen, 2,1% pour la candidate du Parti Socialiste Anne Hidalgo, qui a déjà apporté son soutien pour un candidat, je cite, « Je vous appelle avec gravité à voter contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin d'Emmanuel Macron. » Fin du suspense le 24 avril pour le second tour de la présidentielle. Merci à vous Mathilde, on a une réaction d'Éric Ciotti, je cite, je récuse ces termes que les Français ne supportent plus les extrêmes, je respecte profondément les Français qui ont fait un vote contestataire, je ne voterai pas Emmanuel Macron et je n'appelle pas à voter pour lui, les Français sont libres de décider. Une réaction assez forte hein, pour ce soutien de Valérie Pécresse, Thomas Grindorge, analyse un petit peu plus profondément au-delà des deux qualifiés de Jean-Luc Mélenchon, on a déjà beaucoup parlé. Analyse de Marine Le Pen et puis des autres candidats avec vous. Bah évidemment, pour Marine Le Pen, c'est une nouvelle victoire après 2017. Elle est donc en 2022, encore une fois, au second tour de la présidentielle. Elle paye, il faut bien l'avouer, une campagne réussie où la candidate du Rassemblement National a évité, on va dire, les meetings, les grands meetings grandiloquents pour se concentrer sur aller visiter, entre guillemets, les vrais gens. Et elle gagne évidemment aussi avec la candidature d'Éric Zemmour, qui certes lui aura pris 7%. Elle aurait pu être, on peut tirer des plans sur la comète, elle aurait pu être à 30% si Éric Zemmour n'avait pas été là. En tout cas, Éric Zemmour a adouci la vision des Français de Marine Le Pen, malgré le fait que par rapport à 2017, Marine Le Pen n'a pas tant que ça changé son programme, sinon aux encablures. C'est une défaite également pour Valérie Pécresse, 5% pour les Républicains, 5% pour un parti qui était encore au pouvoir il y a de cela quelques années, pour un parti qui a été majoritairement à la présidence pendant la 5e République. C'est une défaite extrême on ne sait pas comment les Républicains pourront se relever de cette défaite. Yannick Jadot également, c'est une déception pour le candidat des Verts. Et évidemment, la question écologique avait été un petit peu mise en avant plus par Jean-Luc Mélenchon qui lui finit à 20%, on l'a dit. Mais Yannick Jadot finit sous les 5%. C'est donc voilà une certaine défaite pour le candidat des Verts. Derrière Jean Lassalle, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, les petits candidats qui finissent voilà, avec des petits scores, c'était attendu. Anne Hidalgo, évidemment, là aussi, c'était attendu. Une défaite, une grosse défaite du PS, une nouvelle après celle de 2017. Vous venez d'évoquer Valérie Pécresse, Thomas Grindor. On est en ligne avec Anthony Breffel, militant... Militant Rassemblement National de Haute-Garonne, donc c'est pas Valérie Pécresse, mais c'est bien Marine Le Pen. Bonsoir, monsieur Breffel. On imagine que cette qualification est une victoire pour votre camp ce soir. Bonsoir, bien évidemment, c'est une grande victoire. Mais de notre côté, on s'y attendait, évidemment. Quand un travail de fond est mené, quand un programme est solide et quand une candidate est à la hauteur, je pense qu'il n'y a que la victoire qui peut arriver. Et justement, qu'est-ce qui, selon vous, voilà, votre candidate progresse de 2 points par rapport à 2017. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé par rapport à 2017? Je pense tout simplement ce qui a changé, c'est le fait qu'elle ait enfin décidé de se révéler elle-même en tant que femme et pas uniquement en tant que présidente d'un parti politique ou tout simplement en tant que Le Pen. Donc du coup, voilà, le fait qu'elle dévoile sa réelle personnalité, la réelle femme qu'elle est et pas la femme qu'elle est sur les plateaux lorsqu'elle est dans l'adversité. Je pense que c'est ça que les Français ont vu et c'est pour ça que je dis, ils ont fait le bon choix et ce sera le même à faire le 24 avril. Et pendant la... Pendant la campagne, justement, vous n'avez pas craint que la candidature d'Éric Zemmour vienne enrayer la dynamique de cette candidature? Et au-delà, est-ce que vous ne regrettez pas la candidature d'Éric Zemmour qui aurait pu porter votre candidate un peu plus haut dans ses résultats? Il est évident que si Éric Zemmour ne s'était pas présenté à la présidentielle, nous serions ce soir monteurs en tête. Mais je pense que, bien sûr qu'il y a eu des craintes pendant la campagne, etc., mais nous savions que nous avions une candidate solide, qui maîtrise la politique, qui est née dans la politique, qui excelle là-dedans. Et du coup, on avait des craintes, bien évidemment, parce que ça partage une division du camp national. Mais comme on le voit ce soir, le camp national a réellement choisi sa candidate. On a une réaction de Marion Maréchal-Le Pen, Monsieur Breffel, qui déclare « C'est une déception forcément, mais le parti reconquête contre dans les années à venir. Je peux affirmer qu'Éric Zemmour appellera à voter pour Marine Le Pen. Elle est la solution face à Emmanuel Macron. Quelle est votre réaction suite à cette déclaration ?» Suite à la déclaration de Marion Maréchal, j'imagine forcément que c'est une déception, mais c'était prévisible. On sait que les Français ont besoin de stabilité, ont besoin de longévité pour faire confiance en un candidat. Et là, pour le coup, ce n'était absolument pas le cas. Et je pense que quelques propos qui ont pu être tenus ont pu choquer beaucoup de personnes. Et on sait qu'en France, il y a beaucoup d'omerta sur certains sujets. Donc je pense que, bien évidemment, après qu'Éric Zemmour a vocation à nous rejoindre, à rejoindre Marine Le Pen au second tour, parce qu'en réalité, ils représentent tous deux les voies nationales. Donc je pense que l'union est possible, l'union est faisable. Est-ce que Reconquête existera toujours après la présidentielle? Je leur souhaite, mais je pense qu'ils ne seront jamais, en tout cas, un parti politique du peuple. Et enfin, j'ai envie de vous poser une dernière question. Ce duel Macron-Le Pen, c'est un remake de 2017. Et ce premier duel, vous l'aviez perdu d'assez loin, on va dire. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui pourrait faire que maintenant, la victoire de Marine Le Pen soit possible et qu'il n'y a pas un remake de 2017 avec une nouvelle défaite? Il y a trois choses qui ont changé par rapport à 2017. La première, c'est qu'il y a eu, justement, comme je vous l'ai dit, une division du camp national qui a fait forcément qui nous donne l'accès à une réserve de voix pour le second tour. Alors on est autour des 6-7%, mais bon, 6-7%, ça nous met devant Emmanuel Macron au premier tour. Donc bon, il y a déjà ce point qui est rassurant, puis beaucoup, surtout en 2017, Emmanuel Macron était un petit peu le candidat de la nouveauté. Donc on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans son programme, il était assez évasif, il rappelait quelques jours avant qu'il n'allait pas créer un programme sur le terrorisme quelques jours avant la présidentielle. Donc c'est un candidat vraiment nouveau. Aujourd'hui, les Français ont testé. On testait la nouveauté, on vit ce que ça a donné. Et je pense qu'aujourd'hui, le fameux front républicain qui n'a jamais réellement existé, et qui c'est le seul front d'ailleurs qui a toujours eu un nom qui ne reflète pas la réalité, mais aujourd'hui va plutôt être un front anti-Macron. Parce que je pense que toutes les classes populaires, les personnes âgées, etc., ont bien compris que ça a été 5 ans de saccage social et très difficile et de mépris immense. Merci à vous, Monsieur Mreffel. On vous souhaite une bonne soirée et on vous souhaite forcément bon courage pour le deuxième tour pour Marine Le Pen, comme on le souhaite à tous les candidats. On a Valérie Pécresse qui est en direct, qui fait une déclaration justement après son score de 5%. Elle est bien entendu éliminée. Valérie Pécresse en direct. Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France. Nous pourrions tous en payer le prix. Vous le savez, j'ai construit mon engagement politique contre les extrêmes de droite comme de gauche. Je les ai toujours combattus avec force et constance. Car je crois, comme Jacques Chirac, que tout dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Je l'ai dit, je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honoré de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour. À l'issue de ces mois si intenses de rencontres, de dialogues dans les villes et les villages qui font la beauté, la diversité et l'identité de notre pays, je veux enfin dire aux Françaises et aux Français que je les aime passionnément, que mon engagement politique est intact et que, pour améliorer leur quotidien et leur destin, je mènerai d'autres combats. Je continue. C'était donc Valérie Pécresse en direct et on va rejoindre Marie Maison qui est en direct du Capitole et elle n'est pas avec n'importe qui. Marie, vous êtes avec Pierre Claret qui est le porte-parole national du candidat Jean Lassalle qui a atteint 3,3% des voix au premier tour. Oui, tout à fait Rémi, je suis ce soir aux places du Capitole, place qui est complètement vide. Nous sommes devant le café Albert avec monsieur Pierre Claret, bonjour. Bonjour. Monsieur Pierre Claret, pouvez-vous nous donner votre première réaction à ces résultats ? Je trouve que c'est un excellent résultat, alors bien sûr pas pour les têtes d'affiche, mais pour tous les petits candidats, puisque bon pour nous Jean Lassalle est à 3,3, il est devant pas mal de candidats, notamment Hidalgo bien sûr. Ce qui m'étonne le plus, c'est la chute de Pécresse, qui est à 4,6 sur certaines télévisions. Et puis, bien sûr, bon, on aurait aimé être devant Jadot, mais bon, voilà, pour le moment, c'est pour nous une bonne nouvelle, sachant qu'on était à 1,25 en 2017. Et pour 2027, ça peut être extrêmement porteur. Merci. Et concernant votre regroupement ce soir ici, vous avez décidé de vous réunir à Toulouse plutôt qu'à Paris. Pourquoi ? Alors en fait, on a divisé le groupe en deux. À Paris, il y a bien sûr au QG de campagne, il y a énormément bien sûr de personnes. Et de notre côté, sur Toulouse, comme bon, il y avait quelques personnes qui n'avaient pas les moyens d'aller à Paris, ben, j'ai décidé de rester avec eux sur Toulouse. D'accord. Et est-ce que vous avez des consignes de vote ? Quelles vont être vos consignes de vote pour la suite, pour le second tour ? Alors si je suis Jean Lassalle, nous on a milité pendant des années pour le vote blanc, donc je pense qu'il ne demandera pas ce qu'on vote pour un candidat. Je pense que le vote blanc est le vote utile pour le deuxième tour. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un ressenti général par rapport à cette campagne particulière ? Ben disons que ce que je regrette, c'est que les sondages aient été maintenus il y a un mois et demi. Je pense qu'à partir du moment où les 12 candidats étaient sélectionnés, il fallait supprimer les sondages pour éviter d'influencer les gens, puisque les gens ont voulu absolument voter utile plutôt que de voter pour leurs convictions. Et j'espère que aux prochaines élections, en 2027, les sondages seront au moins supprimés. Et la deuxième chose qui m'a extrêmement dérangé, c'est que M. Macron avait décidé de ne pas parler pendant les 15 derniers jours. Et il faut savoir que du coup, le calcul du temps de parole était en fonction de son intervention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne s'exprimait que 2 heures, les autres candidats ne pouvaient s'exprimer que 2 heures. Donc il est évident que cette campagne n'a pas eu lieu puisque M. Macron n'a pas voulu s'exprimer. Merci beaucoup Pierre Claret, porte-parole de Jean Lassalle. Nous sommes en direct du Capitole. La place est complètement vide ce soir. Merci à vous Marie, on vous coupe parce qu'on a Yannick Jadot qui fait une déclaration en direct de son QG. Yannick Jadot, c'est en direct. Il faudra bien et vite, très vite, lors des élections législatives, regarder et enfin voir la situation en face et agir. Il faudra bien voir l'urgence vitale de la bataille pour le climat et la biodiversité. Il faudra bien voir les menaces contre la démocratie, ici et en Europe. Il faudra bien sortir d'une société morcelée, bloquée, empêchée, méprisée, qui tourne le dos à la jeunesse. Il faudra entendre la voix et répondre enfin à celles et ceux qui réclament plus d'égalité et de justice sociale. Je sais que la mission historique des écologistes est de faire entrer la France dans ses combats de vie et de dignité. Les élections législatives en seront l'occasion. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'état du pays l'impose. Très bien, Yannick Jadot, c'était donc en direct sur Radio JT. Un petit point sur les infos à retenir avant de rejoindre Margot au QG d'Europe Écologie et Vert, c'est avec vous, Mathilde Gendron. Oui, 20 minutes qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen célèbrent avec leur parti leur passage au second tour de la présidentielle. La déception est présente chez les autres candidats. Valérie Pécresse, 4,7% des voix, a par exemple réagi à son quartier général. Je ne donnerai pas de consigne de vote car les Français n'en veulent pas. En revanche, elle votera pour le président sortant, mais elle n'impose pas de candidat. Anne Hidalgo, 2,1%. À elle, appelée à voter Emmanuel Macron pour contrer l'extrême droite. Concernant Alexis Corbière qui soutient Jean-Luc Mélenchon, sans surprise, il n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen. Et puis on ne peut pas l'oublier, l'estimation de l'abstention est très forte, 26,2%. Beaucoup de Français ont choisi aujourd'hui de ne pas aller voter. Il reste à attendre le 24 avril pour avoir le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Merci à vous Mathilde, on l'a vu, donc hein, Yannick Jadot éliminé au premier tour avec moins de 5% des voix. On le rappelle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour. C'est forcément une déception pour les Verts, qui ne fait pas mieux que ces 5% donc avec Yannick Jadot. Margot Munoz, vous êtes en direct du local du parti à Saint-Michel à Toulouse. Quelle est l'ambiance sur place? On imagine que ça doit être un petit peu compliqué pour les Verts. Oui Rémi, je suis en direct du QG d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse. Ici, l'ambiance était plutôt détendue jusqu'au score. On n'a quand même pas ouvert le champagne. Et je suis accompagnée de Céline Cardin, porte-parole d'Écologie Les Verts. Les résultats viennent de tomber. Yannick Jadot, comme vous l'avez dit, a fait le score de 4,4%. Il ne passe pas la barre des 5% symboliques. Est-ce que vous êtes déçue ce soir, Céline Cardin? Bonsoir, bah oui forcément un petit peu. Un petit peu parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, de temps et de conviction, surtout dans la campagne. Donc on aurait espéré un beau score, même si de fait c'est un score qui reste dans la lignée de ce qu'on a pu faire par avant. Et qu'est-ce qui vous a manqué pour accéder au second tour pendant cette campagne? Une bonne question. Je pense que c'est une question qu'on va se poser, sur laquelle il va falloir plancher, réfléchir dans les semaines et dans les mois à venir. Je pense que vraiment... il nous faut, face à ce score, faire un peu notre introspection, voir nos échecs, est-ce qu'on n'a pas réussi, comment on n'a pas réussi à convaincre, après des belles échéances locales, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas passé la barre du national. Et est-ce que le national vous a déjà donné des consignes de vote, notamment, je sais qu'Anne Hidalgo a conseillé de voter pour Emmanuel Macron, et vous, quelles sont les consignes? Nous n'avons pas encore de consigne du national, mais c'est évident qu'on va appeler à faire barrage au Rassemblement national et à l'extrême droite. Et c'est une évidence pour nous. Très bien. Merci Margot, merci d'avoir été en direct avec nous. Thomas Grindange, on vient de l'apprendre, trois candidats viennent d'appeler à voter Emmanuel Macron pour le second tour. Oui, en effet, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Fabien Roussel. Sans surprise, évidemment, Yannick Jadot et Fabien Roussel qui appellent à voter pour Emmanuel Macron. On imagine bien évidemment qu'ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais évidemment le barrage à extrême droite est toujours en place, donc Yannick Jadot et Fabien Roussel qui appellent à voter Emmanuel Macron. Également du coup Valérie Pécresse, candidate des Républicains, qui appelle également à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Pour l'instant les autres candidats ne se sont pas exprimés, on attend évidemment l'avis d'Éric Zemmour qui se rangera sûrement derrière Marine Le Pen. Justement, et c'est aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas encore appelé à voter pour quelconque candidat au second tour. Justement, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en troisième position avec 20% des voix. Était-ce un score attendu ou plutôt une déception, Maxence Daguier ? Eh bien, forcément, c'est une déception pour le candidat insoumis et pour toute la gauche. Une nouvelle fois, la gauche ne sera pas en finale. Une déception d'autant plus quand on voit la bonne dynamique de fin de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Les nombreux ralliements de fin de campagne comme Christiane Taubira ou encore les organisateurs de la primaire populaire n'auront pas réussi à faire pencher la balance. Ces derniers meetings non plus, mardi il était à Lille mais aussi dans 11 autres villes de France avec ses hologrammes. Ses militants auront tout donné pour se qualifier avec plusieurs meetings, sans lui, dans tout le pays, surtout dans les endroits les plus reculés de la France. Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à s'imposer comme le vote utile des électeurs de gauche, ou du moins pas assez suffisamment pour se placer dans le top 2, crédité à seulement 2 points de Marine Le Pen dans les derniers sondages, réduisant considérablement l'écart au fil des semaines. Il en aurait fallu peut-être une de plus pour atteindre le second tour. En attendant, le candidat insoumis reste élu au premier tour sur les réseaux sociaux où il reste très populaire. Pour le moment, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Arrivé quatrième en 2017, troisième cette année, reste à savoir s'il retentera sa chance en 2027 pour goûter au second tour. Sait-on jamais ? Merci beaucoup Maxence Daguier. On va accueillir dans quelques instants Antoine Maurice hein, qui va nous rejoindre en plateau. Une figure forcément d'Europe Écologie Les Verts qui va être en direct avec nous. Avant ça Thomas, comme vient de l'indiquer Maxence, forcément pour Jean-Luc Mélenchon c'est une déception. Il n'est qu'à 3 points du second tour, mais forcément, il manquait ces 3 points, ça fait la différence. Évidemment, en plus, on l'a évoqué, la question du vote utile qui était centrale pour Jean-Luc Mélenchon depuis le début de la campagne. Il finit 3 points derrière Marine Le Pen. On peut tirer des plans sur la comète, évidemment, mais la question de l'union de la gauche aurait peut-être amené Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle. Donc, c'était évidemment une déception pour le candidat de la France Insoumise, qui, d'autant plus pour lui, c'était sa dernière campagne présidentielle. Exactement Thomas, et puis comme je viens d'indiquer, Antoine Maurice est avec nous, nous fait le plaisir d'être en plateau. Il était notamment le candidat pour les municipales à Toulouse il y a 2 ans. Monsieur Maurice, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre analyse de ce résultat pour votre parti ? Est-ce une déception ou est-ce plutôt encourageant pour vous ? Bien sûr une déception. Alors merci aux électrices et aux électeurs qui ont fait le choix de l'écologie au premier tour. C'est une déception, je pense que nous avions un projet solide, mais nous n'avons pas réussi à le faire entendre, à peut-être porter un récit enthousiasmant pour montrer que l'écologie est justement aujourd'hui le projet qui permet une alternative aux politiques libérales menées par Emmanuel Macron ou au risque de l'extrême droite qui est plus que jamais aux portes du pouvoir. Et justement, sur la question écologique, pourquoi, selon vous, le programme notamment de Jean-Luc Mélenchon a plus convaincu ? Il atteint 20% des sondages. Est-ce que vous considérez que Yannick Jadot n'a pas réussi à convaincre les électeurs « écologistes » entre guillemets de le rallier plutôt que le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est tout de même considéré par beaucoup comme assez du même niveau, en tout cas, sur le point écologique que Yannick Jadot ? Sur les questions environnementales, en effet, on avait des proximités extrêmement fortes. Je pense que la force de Jean-Luc Mélenchon, c'était qu'il avait été candidat la fois précédente, qu'il avait déjà son projet établi et qu'il l'a, on va dire, réactualisé. Mais peut-être il avait cette force du projet plus ancré que les écologistes, qui s'inscrivaient plutôt dans une dynamique plus récente depuis justement les municipales pour justement faire gagner de plus en plus l'écologie. Et dans cette avancée élection par élection depuis les européennes, on voit que là, sur la présidentielle, on échoue en tout cas à incarner cette alternative et que c'est encore Jean-Luc Mélenchon qui l'a incarné pour cette élection. Et vous ne regrettez pas justement qu'il n'y ait pas eu d'union de la gauche dans cette présidentielle, que ce soit derrière Jean-Luc Mélenchon ou derrière Yannick Jadot, comme le candidat l'avait proposé au début de l'année, qui aurait pu mener la gauche au second tour aujourd'hui ? Je rappelle que Yannick Jadot était celui qui avait initié, il y a déjà plusieurs mois, de longs mois même, une réunion pour réunir toutes les forces de gauche écologistes dans l'espoir justement de construire un projet commun. Parce que qui dit rassemblement dit projet commun. Il est évident que pour moi, il y a 2 enjeux tout le temps, on le voit à chaque élection, c'est la clarté d'un projet. De ce point de vue-là, on a réussi et la capacité à rassembler autour de ce projet. Et là-dessus, nous n'avons pas réussi. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est d'observer qu'au soir de ce premier tour, toutes ces forces de gauche écologiste ne pèsent pas plus de moins de 30% aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie question qu'il va falloir qu'on se pose collectivement, en tout cas, pour pouvoir incarner une nouvelle alternative aux politiques menées depuis trop longtemps par la droite, mais aussi malheureusement par une partie de la gauche à des moments donnés, et à ce risque de l'extrême droite qui devient pour certains peut-être un vote refuge face aux peurs, face aux inquiétudes qui s'expriment. Et nous devons arriver à incarner cet enthousiasme, cet récit positif. Vu qu'on a échoué, pour moi, le travail, il est là aujourd'hui. il va être dans la construction vraiment de cette alternative avec un récit plus qui embarque en tout cas des gens. Justement, vous pointez ce paradoxe, l'écologie, elle est devenue, c'est une question centrale désormais, c'est une question même urgente. On a vu que le rapport du GIEC qui nous dit qu'on n'a que 3 ans désormais pour faire machine arrière. Pourquoi la question de l'écologie, qu'on n'arrive pas à la mettre au centre du débat? Est-ce que la guerre en Ukraine, est-ce que finalement Yannick Jadot s'est fait un petit peu, voilà, été mis de côté, entre guillemets, par l'actualité qui a mis de côté la question écologique? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans cette campagne, on n'a pas assez parlé d'écologie. D'ailleurs, bon, tout le monde a montré le pourcentage, c'était, je crois, 2 ou 3% du temps d'antenne sur ces questions-là. D'abord parce que le début de la campagne a été pollué par cette entrée d'Éric Zemmour dans l'arène politique, qui a été accompagnée beaucoup trop, de mon point de vue, bon, déjà par une partie des médias, mais aussi par le fait de le mettre en exergue, en faisant des débats avec, etc. Donc on a eu cette obsession des idées racistes, etc., qu'il incarnait, qui ont été les sujets du coup du début de la campagne. Et puis ensuite, en effet, deux choses. La guerre en Ukraine, qui a bien sûr un peu empêché une campagne normale de se mener. Et puis le choix d'Emmanuel Macron de fuir tout débat, de fuir vraiment l'idée même d'une campagne, à savoir la contradiction entre les projets, qui rendait difficile, en fait, le fait de pouvoir aussi, auprès de la population, comparer les projets et se faire une idée vraiment des réelles divergences qu'il y a entre les différents projets qui étaient proposés, quoi. Votre candidat, d'ailleurs, a évoqué la question des législatives. Il a même appelé à faire des dons, hein. Donc, c'est quoi la prochaine échéance, finalement? Comment on fait pour, dans 5 ans, ne pas avoir le même résultat, les mêmes divisions à gauche et, encore une fois, un nouveau duel à droite, entre la droite et l'extrême droite? Alors déjà, il y a, je crois, plusieurs étapes avant de se poser cette question. C'est déjà dimanche, dans 15 jours, faire en sorte que l'extrême droite et donc Marine Le Pen ne gagne pas. Et pour ça, le seul bulletin à utiliser, de mon point de vue, c'est celui d'Emmanuel Macron. Sans que ce soit évidemment ni un quitus ni un soutien, et même s'il aura lui-même d'ailleurs la responsabilité, à mon avis, dans les jours qui arrivent, d'envoyer des signes s'il veut que les électeurs de gauche écologistes puissent quand même utiliser ce bulletin, notamment de peut-être revenir sur des annonces qu'il a faites comme la retraite à 65 ans, mettre de la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour montrer la compréhension de la diversité aussi qu'il y a dans ce pays, ou encore reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été complètement vidées de leur contenu dans la loi climat. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a législative. Pour moi, il va falloir se poser des questions, en tout cas pour faire en sorte d'amener à l'Assemblée nationale des groupes, un groupe écologiste, des groupes de gauche qui puissent mener une réelle opposition pendant ces 5 ans. Dont Yannick Jadot, qui donc est à 4,4%, sera quand même le leader. Il portera avec Europe Écologie Les Verts la campagne législative. On a déjà nous désigné nos candidats. Il va falloir peut-être aussi réfléchir, en tout cas des discussions entamées avec les autres mouvements de gauche écologistes. Et de ce point de vue-là, il faudra aussi entendre la volonté de Jean-Luc Mélenchon, qui doit aussi prendre sa part, vu la place qu'il occupe aujourd'hui dans le paysage à gauche. Et puis, ensuite, viendra effectivement le temps, de mon point de vue, de la reconstruction de cette force écologiste. Pour moi, il y a 3 grandes forces qui devraient apparaître dans le pays et on est ultra divisé. C'est les forces actuelles au pouvoir, donc qui veulent rester dans le présent, expliquer qu'il n'y a pas d'autre chemin possible. Hein. C'est ce qu'incarne très bien Emmanuel Macron, qui rassemble beaucoup les droites, mais qui a pu séduire une partie de l'ancienne gauche social-démocrate. Il y a l'extrême droite qui est dans le passé et essaye de nous faire croire que le passé était meilleur, mais en réalité nous ramènerait aux pires heures de notre histoire. Et puis il y a cet avenir, ce futur que nous devons incarner. Nous, quand je dis nous, c'est pas que Europe Écologie Verte, c'est le projet de l'écologie, une écologie qui porte à la fois la question de la justice sociale, la question de la lutte contre le dérèglement climatique et la perte de la biodiversité, et aussi la question démocratique. Et c'est autour de ça qu'on doit arriver à faire ce fameux récit dont je parlais, qui, de mon point de vue, n'a pas réussi aujourd'hui. Donc vous appelez, finalement, pour conclure, à l'union de la gauche qui n'a pas pu avoir lieu pour ces présidentielles? À l'union autour d'un projet commun, parce que c'est un projet qui fait que l'on rassemble dans la clarté. Et que vous serez prêt, je termine, et que vous serez prêt donc à faire des concessions et à vous mettre autour du table et à discuter, et peut-être à dire, Yannick Jadot ne sera peut-être pas le leader de cette union des écologistes, et ça pourrait être quelqu'un d'autre, Jean-Luc Mélenchon ou un autre? Mais pour moi, ça ne se pose pas comme ça, en tout cas pour les législatives, vu que les législatives, ce n'est pas une campagne justement incarnée par une personne. Donc le temps de la présidentielle est maintenant sera derrière nous après le deuxième tour. Donc après viendra le temps justement des législatives, qui est enfin le vrai débat d'ailleurs du projet, puisque c'est ce qui devrait avoir lieu normalement. C'est d'abord législative et après la présidentielle, et c'est ce qui nous pollue d'ailleurs de mon point de vue dans l'incapacité collective que nous avons à réussir finalement à faire démocratie, parce que c'est aussi ça le sujet qui est posé pour moi ce soir. Mais pour moi, ce sera autour d'un projet. Donc c'est mettons autour de la table, est-ce que nous pouvons porter un projet commun ou en tout cas faire en sorte d'assurer la présence à l'Assemblée nationale en juin de députés de gauche écologistes qui soient dans une opposition claire pour une alternative dans l'avenir. Merci Monsieur Maurice. Merci à vous. Merci à vous Thomas, merci beaucoup Monsieur Maurice d'avoir été avec nous en plateau ce soir. On a des réactions qui se multiplient. En tout cas, on a Clémentine Autain, la France Insoumise, qui déclare « c'est un score exceptionnel ». Nous disons à nos électeurs « pas une voix à l'extrême droite », sans pour autant qu'elle appelle à voter pour Emmanuel Macron. On a Jean-Luc Mélenchon qui va bientôt s'exprimer. Il est en train de se préparer, en tout cas, sur son pupitre. Avant ça, on a les infos de la soirée à retenir avec Mathilde Gendron. Ça ne bouge pas. Mathilde, qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir? Il est 20h40. Que retenir de ce premier tour de l'élection présidentielle? Forcément, les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux qualifiés pour le second tour de cette présidentielle. Ça fait déjà une demi-heure maintenant qu'on connaît le résultat. Finalement, les Français se retrouvent avec un scénario qui a déjà un peu un air de déjà-vu, rappelant la dernière élection de 2017. Marine Le Pen vient tout juste de réagir. Elle appelle bien évidemment à voter pour elle. Une réaction se fait attendre aussi du côté d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, Yannick Jadot, 4,5%, appelle quant à lui à voter pour Emmanuel Macron, tout comme Anne Hidalgo avec 2,1%. Valérie Pécresse, 4,8%, elle ne soutient pas de candidat, mais elle assure qu'elle votera Emmanuel Macron pour éviter le chaos de l'extrême droite au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, 20%, n'a toujours pas donné de consigne de vote aux Français. Il devrait parler dans les prochaines minutes. 26,2%, c'est le taux d'abstention de ce premier tour. Il reste plus élevé de 4% qu'il y a 5 ans, une abstention qui est également à redouter pour le second tour. Merci à vous Mathilde. On a Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime en direct. Jean-Luc Mélenchon en direct. Et les insultes. Mais elle est là. Et pour chaque étape, elle est là. Si vous décidez de la préserver, de l'entourer, comme vous l'avez fait jusqu'à cette heure en dépit de tout. Ce matin, il faisait beau à Marseille. Sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien, me sont arrivés bientôt les échos de l'Oyapock, frontière française sur le Brésil. Et puis ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe, et puis ceux de la Réunion. Qui dès le premier tour, m'élisaient pour leur président. Et j'ai vu dans leur décision ce qu'elle signifiait pleinement et entièrement. L'État dans lequel se trouve la patrie et son peuple sur tous les points du territoire, un état d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, sociale et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Car le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu'il a été voulu, non de notre fait, ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots, dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience, de la décision qu'il doit prendre. Voilà, c'était Jean-Luc Mélenchon en direct, Thomas Grindorge. On a d'autres réactions qui vont pas tarder à pleuvoir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, à force d'user des métaphores, on n'a pas vraiment cerné si Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, il n'a pas donné de consigne de vote. Hein. Bah, son côté trimain, voilà, il rejaillit encore ce soir. Voilà, on ne sait pas pour l'instant s'il va donner des consignes de vote, comme vous l'avez dit, Rémi. Malgré tout, le candidat s'était déjà exprimé avant le premier tour, disant qu'il ne donnerait pas lui-même de consigne de vote pour ses électeurs et qu'il se baserait voilà, sur, une, comment dire, sur un vote populaire en fait, de ses, des membres de son parti, la France Insoumise. Donc pour l'instant, il va continuer son laïus. Et on verra ce qu'il en sera dans les jours à venir. Une autre candidate de gauche est aussi éliminée, c'est moins une surprise, en tout cas pas de miracle. Pour Anne Hidalgo, un score qui se confirme très bas avec un faible 2% dans les estimations. Lucie Lefebvre. Oui Rémi, le parti traditionnel de gauche n'aura pas réussi à convaincre ni à rassembler les électeurs de cette mouvance politique. Anne Hidalgo obtient le score le plus bas de l'histoire du Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Lancé en 1969, seuls les deux François sont arrivés au pouvoir. Mitterrand de 81 à 95 pour deux mandats consécutifs, puis Hollande en 2012. Depuis la non-compagne du président sortant en 2017, aucun leader ne s'est distingué pour le parti. Benoît Hamon avait alors récolté 6,35% des voix. Des électeurs qui se sont davantage tournés aujourd'hui vers Jean-Luc Mélenchon, qui dépasse, rappelons-le, les 20% des suffrages. Seul espoir pour ceux qui voulaient un dialogue sur les questions sociales dans cette élection. Mais le PS en a conscience et c'est même Patrick Minucci, porte-parole de la candidate, qui hier a estimé urgent de refonder le Parti Socialiste après toutes ces divisions. Prochains objectifs en vue, les législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022. Des négociations ont d'ores et déjà été engagées avec les Verts et les communistes et Anne Hidalgo ne l'a pas caché lors de son dernier meeting jeudi à Rouen. Pour elle, le temps est à la reconstruction. Elle a été la première candidate à réagir aux estimations ce soir. « Je sais combien vous êtes déçus et nous tirons ensemble les leçons de ce bilan », a-t-elle ainsi déclaré. Merci beaucoup Lucie, on va enchaîner tout de suite avec notre envoyée spéciale, Sophia Mazard. Sophia, vous êtes en direct du QG, en tout cas du rassemblement des militants d'Emmanuel Macron. Maintenant, ça fait trois quarts d'heure que les résultats ont été donnés. On imagine que les sourires doivent continuer à être sur les visages. Effectivement, les gens continuent d'assumer les réactions des politiques qui appellent à voter Emmanuel Macron. Donc, c'est chaud au cœur en militant. Ils ont introduit chacune des déclarations. Je vous avoue que la déclaration de Mélenchon qui vient de tomber leur a fait un peu baisser le sourire. Mais bon, ils sont continuellement demandés de se faire, c'est une bonne enfant. Et après, la porte du monde, plus tard dans la soirée. Très bien. Et Sophia, est-ce que vous avez pu justement avoir quelques réactions des militants sur place? Au-delà oui, des expressions, quelles sont leurs réactions, leurs déclarations? Alors là, je suis actuellement avec Mathilde, qui se prépare pour les deux prochaines semaines. Je me rends depuis un an à La République en marche. Mathilde, comment vont se passer les deux prochaines semaines? Ça va être terrain. Vous allez essayer de convaincre les gens? Oui, il faut aller chercher les gens un à un pour les faire voter et les convaincre. Et pourquoi il y a besoin de les convaincre pour vous? C'est pas à qui? C'est Emmanuel Macron risque de perdre face à Marine Le Pen? Tout n'est pas joué encore. On attend le... C'est-à-dire, il faut attendre la fin. Et il faut attendre les résultats. Donc oui, il faut aller voir les gens et les convaincre. Ceux qui ne votent pas pour nous, il faut les convaincre. Très bien. Et voilà, Rémi, en fait, c'est la même ambiance que tout à l'heure avant les résultats tombent. La confiance est là, mais il y a certainement angoisse à l'idée que Marine Le Pen passe. Très bien, merci beaucoup Sophia. On va enchaîner tout de suite avec un candidat dont on n'a pas encore beaucoup parlé hein, pour le moment en ce début de soirée. C'est Éric Zemmour, arrivé quatrième avec 7,2% des voix, devant Valérie Pécresse notamment. Est-ce un résultat que l'on pourrait qualifier d'étonnant, Maxence Daguier? Alors oui, c'est étonnant Rémi, mais attendu. Manifestement, le vote utile des électeurs d'extrême droite a profité à Marine Le Pen. C'est pourtant un score très loin de ses ambitions, dépasser la candidate des Républicains, les hauts d'autant plus, Valérie Pécresse seulement à 5%. C'est donc plus de 7% de pris par Éric Zemmour. Le candidat de Reconquête est descendu fortement dans les sondages ces dernières semaines, parti très fort au début avec une forte médiatisation, donnée au plus fort à 17% d'intention de vote, mais ses échecs et ses faux pas l'ont fait chuter dans les sondages. Il n'était plus qu'à 8% à la veille du scrutin. Finalement, ce sera moins 7,2% selon les premières estimations. Sa thèse complotiste du grand remplacement n'a pas attiré beaucoup de monde, mis à part les convaincus. Comme Valérie Pécresse, la guerre en Ukraine a bousculé sa campagne et a mis fin à son monopole médiatique. Malgré beaucoup de ralliements, notamment du Rassemblement National, cela n'aura pas suffi. Maintenant, c'est un rapprochement avec Marine Le Pen qu'il a beaucoup critiqué, qui est attendu, ce qui pourrait donner un grand nombre de voix en faveur de la candidate du Rassemblement National. Très bien, merci beaucoup Maxence. Et on a justement Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas explicitement appelé à voter pour Emmanuel Macron. En tout cas, il a appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen, mais pas pour voter à Emmanuel Macron. Bah, on s'y attendait évidemment, hein, le candidat de la France Insoumise qui a passé une bonne partie de la campagne, évidemment, à critiquer le bilan d'Emmanuel Macron, de fustiger ce bilan et voilà, se mettre en porte-à-faux face à ce bilan qu'il avait construit, notamment son programme était construit en opposition à celui d'Emmanuel Macron. On aurait pu donc être face à une sorte de dissonance cognitive pour Jean-Luc Mélenchon. Appeler Emmanuel Macron, c'est difficile. Voilà, le candidat de la France Insoumise qui pourra, pour certains, être qualifié de non lucide, comme aurait dit Enzo Gauthier, ou irresponsable. Mais voilà, le candidat de la France Insoumise qui reste, on va dire, entre guillemets, droit dans ses bottes et qui n'appelle à voter ni pour la droite, ni pour l'extrême droite. On a eu là une déclaration de Valérie Pécresse plus tôt dans la soirée. On va l'écouter en direct, c'était il y a quelques instants. Malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Voilà, c'était Valérie Pécresse il y a quelques instants en direct de son QG. Je ne sais pas si Valentin Larquier est en direct. Est-ce que Valentin Larquier, non, il n'est pas encore en direct. On le rejoindra dans quelques instants. En attendant, d'autres réactions pleuvent et c'est le cas de Marine Le Pen. Après son score de 23,3%, Marine Le Pen a invité l'électorat déçu par le quinquennat de Macron à voter pour elle, un appel à peine dissimulé aux électeurs de Valérie Pécresse et Éric Zemmour. On l'écoute. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. C'était justement Marine Le Pen en attendant le deuxième tour. On a Valentin Larquier qui est en direct cette fois-ci. C'est bon, Valentin Larquier, vous êtes en direct. Alors vous êtes avec une élue de la France Insoumise. On écoute, on vous écoute. Je suis avec Myriam Martin qui est chef de liste dans la nouvelle circonscription de Toulouse, élue de la France Insoumise. Donc Madame Martin, quelle réaction après le résultat dans ce premier tour? Vous avez pris la parole aussi dans tous les sympathisants LS qui sont présents au bar. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Dans quel état d'esprit vous êtes D'abord, je leur ai dit d'être fiers, voilà, parce que je pense qu'on doit être fiers de la campagne qu'on a menée. Elle a été extraordinaire, elle a été difficile, elle est dans un contexte très particulier, où on avait un président candidat qui refusait de débattre, où on s'est retrouvé toujours quand même sous le coup de la pandémie, où on a eu aussi à affronter une guerre en Europe, ce qui n'est pas rien, et puis où on a essayé de nous imposer des thèmes qui sont des thèmes détestables de toutes les campagnes, la sécurité, l'immigration, mais nous, on a réussi à imposer d'autres thèmes. Ce qui préoccupe nos concitoyens, la question du pouvoir d'achat, les questions sociales, les questions écologiques et démocratiques. Donc on est très fiers parce qu'on a mobilisé énormément, parce qu'on a amélioré notre score de 2017 et parce qu'aujourd'hui on a une bonne base pour construire une vraie gauche de combat dans ce pays et que ça ne s'était pas produit depuis très très longtemps. Bien sûr, il y a aussi de la déception parce qu'on rate encore une fois cette marche de peu. Voilà, le second tour aurait dû être à portée de main, il est à portée de main, mais on rate la marche de très très peu. On sait que c'est aussi l'abstention, on sait aussi que les voix se sont éparpillées, malgré le fait qu'on pouvait qualifier enfin un candidat de gauche à ces élections et qu'on n'avait pas vu quand même depuis 2012, si on peut parler de gauche quand on parle de François Hollande, mais en tout cas, moi, depuis longtemps, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu autant de combativité, d'espoir, et l'espoir est toujours là, voilà, il n'est pas achevé, il y a d'autres combats, ils vont continuer à se mener dans la rue, dans la lutte, aux législatives prochaines, voilà, parce que nous, groupe. Justement, vous parlez de combat, il y a les élections législatives qui arrivent dans 2 mois. Est-ce que finalement, ces 20% de Jean-Luc Mélenchon, elles offrent beaucoup, beaucoup d'espoir pour les législatives? Bah écoutez, je crois que c'est assez clair. La ligne amicale gauche, c'est nous. Mais une gauche qui est claire, c'est-à-dire une gauche qui est très claire sur ce qu'elle veut, sur l'intérêt général, sur la répartition des richesses, sur la retraite à 60 ans, sur les moyens pour que les jeunes puissent étudier, de lutte pour lutter contre le réchauffement climatique, la planification écologique, pour le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, pour une 6e République. Donc oui, la dynamique, elle est avec nous et on compte bien évidemment faire grossir beaucoup plus le groupe parlementaire que nous avons déjà et qui a fait un travail remarquable. Et on est convaincu que aussi on peut gagner, effectivement, et avoir un vrai groupe à l'Assemblée qui soit à la fois un groupe qui s'oppose à la politique qui sortira des urnes le 24 avril prochain, entre M. Macron et Mme Le Pen, mais aussi un groupe qui soit en capacité de proposer, de porter encore une fois un espoir et un autre monde possible, parce qu'on a un projet pour un autre monde possible. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans la période qui était une période jusqu'alors qui était très sombre. Voilà. Et un dernier petit mot, vous venez d'écouter Jean-Luc Mélenchon, c'est sa 3e élection présidentielle. C'est toujours l'homme de la situation pour vous dans 5 ans aussi, ce sera toujours lui? Bah écoutez, je crois qu'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas, donc ça ne sera sans doute pas l'homme de la situation, mais en tout cas, il a été l'homme de la situation et il a fait une excellente campagne. Et moi, je suis très très fière de ce qu'il a fait. Voilà, il a fait un sans faute. Ça a été un des meilleurs débatteurs, quel que soit le cas de figure du débat. C'est le seul qui est capable de porter des discours et des propositions avec beaucoup de cohérence et beaucoup de sérieux. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. Donc voilà, ça a été l'homme de la situation, et c'est toujours pour le moment l'homme de la situation. Et c'est toujours pour nous un représentant extraordinaire de l'Union Populaire. Merci beaucoup. Donc on était avec Myriam Martin, chef de file de la 9e circonscription de Toulouse. Les élections législatives, c'est dans 2 mois, donc on vous le disait. Et au bar, là, les gens commencent un petit peu à partir, un peu de déception, d'écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon, mais la soirée va pas tarder à se terminer. Merci à vous, Valentin Larquier. On va d'un extrême à l'autre et on a Éric Zemmour qui est en direct. Éric Zemmour en direct. J'ai commis des erreurs, je veux dire que je les assume toutes. J'en porte l'entière responsabilité. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe, je ne leur dois aucun de mes échecs. Mais à la fin de cette campagne, j'ai la fierté de ne pas être devenu un politicien. Je n'ai jamais menti pour gagner un point dans les sondages. Je n'ai jamais travesti ma pensée et je n'ai jamais trahi. C'était Éric Zemmour en direct et on enchaîne avec les infos à retenir de cette soirée et même de cette journée avec vous, Mathilde Gendron. Oui, cela fait plus d'une demi-heure maintenant que le suspense est levé pour ce premier tour. On le rappelle, le président sortant Emmanuel Macron est arrivé premier avec plus de 28% des voix. C'est plus qu'il y a 5 ans où il obtenait 24%, et puis suivi de Marine Le Pen avec 23%, qui elle aussi récolte plus de voix qu'il y a 5 ans. Elle recueillait déjà 21,30% des voix. Et les soutiens de la part des candidats ne cessent d'affluer. C'est Éric Zemmour qui vient à l'instant de s'adresser aux Français. Et puis avec lui, c'est Marine Le Pen qui s'est exprimée. Elle appelle à ceux qui sont déçus de ce quinquennat à voter pour elle. Je cite « Tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement ». Elle parle évidemment du Rassemblement national. À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, qui récolte plus de 20%, vient de parler. Il n'a pas donné de consigne de vote particulière, à part de ne pas voter pour Marine Le Pen. Pour les candidats Anne Hidalgo, 2,1%, et Yannick Jadot, 4,5%, le vote du second tour, qui aura lieu le 24 avril, doit obligatoirement contrer l'extrême droite et donc se porter vers le président candidat Emmanuel Macron. Valérie Pécresse votera, elle, je cite, « en conscience Emmanuel Macron », mais elle n'appelle pas à ses électeurs à faire de même, elle les laisse choisir. Un point sur l'abstention, 26,2%, soit près d'un quart des Français qui a décidé de ne pas voter. Merci à vous Mathilde. Juste avant d'accueillir Malena Andrada, militante lutte ouvrière, vous avez une petite précision pour nous, Thomas. Évidemment, on a évoqué tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon qui n'appelait pas à voter ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen. Petite précision, le candidat de la France Insoumise qui indique pas une seule voix pour Marine Le Pen. On peut considérer que c'est un peu ombrageux comme discours, on ne sait pas, ce n'est pas une consigne, une réelle consigne de vote, mais c'est en tout cas la même ligne qu'il avait prise en 2017. On a donc Malena Andrada en direct avec nous. Bonsoir Madame Andrada. Bonsoir. Quelle est votre réaction suite à ce premier tour ce soir ? Et ce que je vois, c'est qu'on a au second tour à nouveau deux ennemis des travailleurs, hein, que ce soit Le Pen ou Emmanuel Macron. Nous avons deux partis qui sont des ennemis qu'il faut combattre. Et donc moi, je m'abstiendrai au second tour. On rappelle, Madame Andrada, vous êtes porte-parole de Nathalie Arthaud pour la région Occitanie. Oui. Pourquoi, j'ai envie de vous poser la question d'abord, pourquoi n'avoir pas voulu d'une candidature commune avec Philippe Poutou, dont voilà, la philosophie trotskiste est commune et qui vous aurait permis peut-être une force de frappe plus importante ? Je pense que ce n'est pas vraiment le problème, ça. Si aujourd'hui on est dans cette situation électorale, c'est parce que la gauche, avec tous ses reniements, a dégoûté les milieux populaires, les travailleurs, les salariés de tout ce qu'ils ont fait, et l'abstention, elle est quand même énorme. Alors qu'on se soit rallié avec Philippe Poutou ou pas, on aurait passé un score beaucoup plus élevé, hein. On aurait rajouté 0,7% à 0,8%, ça n'aurait pas été beaucoup plus. Donc on a entendu deux fois un discours anticapitaliste, et c'est pas plus mal. Mais donc au-delà de Philippe Poutou, effectivement vous n'auriez pas été au second tour avec Philippe Poutou, mais vous regrettez peut-être qu'il n'y ait pas eu, encore une fois, une union de la gauche, et que derrière Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, qui que ce soit, et qui aurait permis peut-être d'avoir une gauche, peut-être une gauche qui ne vous corresponde pas, mais au moins une gauche au second tour? Non, écoutez, moi, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'était qu'il y ait une voix communiste, révolutionnaire, et qui prépare les travailleurs dans leur tête à se dire qu'il va falloir qu'on mène une guerre, parce que la bourgeoisie, les capitalistes, ils nous mènent une guerre à mort. C'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation galopante, c'est le chômage qui explose, les conditions de travail qui sont terrifiantes. Et les situations pour nous, pour le monde du travail, elles vont pas s'améliorer, que ce soit Macron, que ce soit Le Pen. Mais j'ai envie de vous dire, même si la gauche avait gagné cette élection, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire face à la guerre qui se prépare, face à l'inflation et au fait que c'est les grandes multinationales qui décident de tout, qui décident des prix, qui décident des salaires qu'ils donnent aux travailleurs. Donc pour moi, le plus important, c'est qu'on fasse la révolution dans nos têtes et qu'on se dise qu'il faut qu'on change le rapport des forces. Que la seule façon de combattre ce système complètement fou, c'est qu'on se batte avec nos armes de salariés, de travailleurs, hein, avec la grève, avec les manifestations. Donc vous partagez la ligne de Philippe Poutou pour qui les élections finalement comptent moins que les mouvements sociaux. Pour vous, la révolution, le changement, il ne se fait pas dans les urnes mais dans la rue. Bien sûr, oui. Et le changement, il se fait pas dans les urnes, on le sait. Hein. C'est pas comme ça qu'on a obtenu les congés payés. C'est pas comme ça qu'on a obtenu des augmentations de salaire. C'est pas comme ça que les femmes ont obtenu le droit de vote. Et à chaque fois, il a fallu se battre pour obtenir tout ce qu'on a pu avoir et tout ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est la troisième candidature de Nathalie Arthaud au présidentiel. Est-ce qu'on la retrouvera finalement en 2027? Oui, peut-être, sûrement. Merci, mademoiselle Adin. Très bien, merci beaucoup, madame Adrada, d'avoir été avec nous ce soir. On le rappelle, hein, premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, qui est en tête, du coup, avec 28,1%. Marine Le Pen la suit avec 23,3% des voix. Forcément, l'enjeu de ce premier tour, c'était les résultats, c'était de se qualifier pour le second tour. Mais vous nous parlez, Lucie, du second enjeu de ces résultats, le remboursement des frais de campagne. C'est en effet une déception coûteuse pour le moral, mais aussi pour le portefeuille de certains partis. Meetings, QG, déplacements ou encore publicité sur Internet, faire sa campagne coûte cher et se compte en millions d'euros. Ceux qui n'ont pas atteint les 5% des suffrages exprimés seront remboursés d'un montant maximal de 800 423 euros, pour être précis. Ce montant correspond à une fraction, donc à 4,75% du plafond des dépenses électorales qui se fixe autour de 16 millions d'euros. C'est une différence de remboursement très nette avec les partis dépassant les 5% et qui sont non qualifiés pour le second tour. Ils obtiendront un remboursement de 8 millions d'euros et enfin les qualifiés au second tour auront droit à un remboursement de 10,6 millions d'euros. Et on ne les oublie pas car les partis inférieurs à 5% sont nombreux. Les Républicains, Europe Écologie Les Verts, Résistons, le Parti Socialiste, Lutte Ouvrière, Parti Communiste Français, le Nouveau Parti Anticapitaliste ou encore Debout la France. Et c'est un coup dur pour Valérie Pécresse, qui, selon les informations de BFM TV, était la candidate qui s'approchait le plus de ce plafond de 16 millions d'euros. Du côté de l'équipe de Yannick Jadot, un prêt de 8,5 millions d'euros avait été contracté pour la campagne présidentielle. Merci beaucoup, Lucie. On va accueillir notre dernière invitée du soir. Pauline Abolès, vous êtes candidate Les Républicains pour la 8e circonscription de Toulouse en tant que candidate principale. Madame Bolles, j'imagine que vous devez être un petit peu déçue ce soir des résultats. Nous sommes en plein dépouillement, donc il est très difficile de se prononcer. Mais il est vrai que pour le moment, la tendance n'est pas favorable pour ma famille politique. Mais je suis confiante parce que les résultats, ce n'est pas seulement un bureau, mais toute la France. Et j'ai totalement confiance en les citoyens. Et j'ose espérer que ça nous sera favorable pour le second tour. Au-delà des résultats qui ne sont pas encore définitifs, 5% pour l'instant, on imagine bien que Valérie Pécresse ne finira pas à 20% au final des dépouillements. Ça reste quand même, excusez-nous, un échec assez important pour un parti qui a été pendant de nombreuses années au pouvoir. Oui, après, j'estime que ce n'est pas un échec dans la mesure où on a eu... l'innovation d'avoir une femme qui s'est présentée, c'est une grande fierté pour notre famille politique et pour moi, qui plus est, une candidate femme. Donc j'estime que ce n'est pas un échec. Mais François Fillon faisait quand même 19% en 2017, il était aux portes du second tour. vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un échec quand un parti aussi important que les Républicains finit derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Éric Zemmour, finit à 5% dans les sondages, dans les résultats, peu importe s'ils seront affinés ou pas dans les prochaines minutes. Oui, mais la société change, donc il est difficile de comparer les votes de François Fillon avec ceux de Valérie Pécresse, puisqu'on a eu de nombreux changements qui sont aussi le résultat du quinquennat Macron. Donc je pense que c'est pas comparable. Très bien, merci beaucoup Madame Bolles d'avoir été avec nous pour cette fin d'émission et d'avoir été avec nous pour cette soirée du premier tour de la présidentielle. On le rappelle, Thomas Grindorge, c'est la fin de cette émission. On rappelle tout de même à nos auditeurs les résultats officiels, ou en tout cas les grandes tendances de ce premier tour avec les chiffres précis. Évidemment, donc Emmanuel Macron qui finit premier du premier tour de la présidentielle avec 28,1%. Derrière donc Marine Le Pen avec 23,3%. Derrière, c'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui finit à 20,1%, celui d'Éric Zemmour, qui lui est très loin derrière à 7,2%, donc qui s'écroule à 5%, juste devant Yannick Jadot, 4,4%, Jean Lassalle, 3,3%. Derrière, le candidat communiste Fabien Roussel à 2,7%, et derrière, Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo à 2,3% et 2,1%, et les deux candidats trotskistes, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, crédités de 0,8% et 0,7%. Merci à vous, Thomas Grindorge, de m'avoir accompagné pour cette soirée présidentielle. Merci à tous nos reporters qui étaient sur place, Sophia Mazar, Valentin Larquier, Marie Maison et Margot Munoz. Je remercie également les chroniqueurs qui étaient sur place, Lucie Lefebvre qui est devant moi, également Maxence Daguet. Merci à Tanguy Papin pour la technique. Merci Colline Martin de nous avoir assisté au téléphone. Et merci, bien sûr, la plus importante d'entre nous, Mathilde Gendron, qui était en direct pour nous donner toutes les infos, en tout cas les plus importantes à retenir de cette soirée. Et merci également à Augustin Conro et Kylian Prévost, qui étaient dans les coulisses pour nous apporter toutes les bonnes infos de cette soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve, on peut le dire, en avant-première pour le second tour. On sera également en direct. Thomas Grindorge, vous pouvez le confirmer? Oui, on peut le confirmer, on sera là dans 2 semaines. Parfait, magnifique. Merci à tous. Et rendez-vous donc dans 2 semaines pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.